Bon, mais les conditions pour vivre un changement, on a remarqué que, en tout cas moi j'ai remarqué que pour apporter de l'information aux autres et être une solution dans les vies, ça c'est le numéro 174. Hein? Bon, 174, les conditions nécessaires pour faire un changement. Bon, c'est ça, fait que j'ai eu à travailler toute ma vie à apporter des solutions aux gens de façon verbale. Et puis, souvent, j'étais exposé à des gens qui, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, me reposaient toujours les mêmes questions par rapport aux mêmes problèmes, au même climat, au même comportement. Puis je leur disais, ben écoute, si tu veux que ta vie change, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu changes ta perception que tu as de telle situation. Ah oui, je comprends. Puis, tu sais, 10 ans plus tard, tu es supposé comprendre, pas mal, parce que ça a été répété 30, 40, 50 fois. Puis la personne ne change pas. Ouh, pédale. Là, évidemment, tu te dis, s'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il y a vraiment une façon de voir qui ne veut pas changer. Puis là, évidemment, étant donné que j'ai été astrologue pendant des années, et que je le suis encore parce que quand tu l'as été, on me dit tout le temps, moteur un jour, moteur toujours. Bien, quand tu es astrologue un jour, tu es astrologue toujours, avec des modifications à la supramentale qui m'ont permis d'améliorer ma lecture et aussi de ma compréhension de ce que c'est une programmation. Bien, il y a effectivement l'esprit qui te donne la vie, il y a l'âme qui te permet d'avoir un programme de vie. Je me dis tout le temps, la personne, c'est pas son programme de vie, c'est son chemin à faire, mais c'est pas elle. Quand tu marches un chemin, tu n'iras jamais t'identifier au chemin que tu fais. Mais le problème des gens qui ont une programmation, c'est qu'ils ont une tendance à s'identifier à la programmation, puis à perdre contact avec leur esprit, ce qui est à peu près le propre de 99% des gens. Donc, conséquemment, les gens ne savent pas qu'ils ont de l'esprit. Mais ils savent qu'il y a une programmation, donc ils savent qu'au niveau de l'âme, il y a des comportements qu'on pourrait répertorier à l'ADN d'un être. Dire, ben, j'ai des comportements d'influence familiale, d'influence culturelle, d'influence sociale, etc., etc., ce qui est quand même constamment de la programmation. Donc, si une personne est programmée et puis qu'elle s'identifie à sa programmation, je peux comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de changement. Parce que là, à ce moment-là, le modèle de programmation que tu as est comme la zone de crédit, de confiance de l'individu dans ce qu'elle est. Parce qu'elle va s'identifier à ce qui se passe. Elle va s'identifier à la route qu'elle va faire. T'sais, tu marches vers Québec, tu vas dire, je suis Québec, je suis la route, je suis quelque chose. Ou mettre une autre image pour expliquer ça. C'est que, bon, tout le monde a des véhicules, un auto, peu importe le type de véhicule, on va rester au niveau de l'auto. L'auto, c'est l'esprit. Peu importe le modèle ou la marque, le fait de se déplacer, c'est ça l'esprit. Mais tout le monde, à la naissance, se trouve à être un modèle d'auto et d'une marque d'auto. Tu as une marque, un Ford Fusion, mettons. Bon, ben là, tu vas dire, moi, je suis un Ford Fusion. Et puis, c'est ça, c'est que si tu t'identifies au modèle et à la marque, tu vas avoir de la difficulté à comprendre que la vie de l'auto, c'est d'être en mouvement et c'est te déplacer d'un point à un autre. Bon, fait que si vous comprenez cet exemple-là comme le fait que s'identifier à l'auto, c'est pas savoir ce que c'est qui est de l'esprit qui est dans le fond se déplacer avec une auto. Je peux comprendre que c'est impossible de changer. Parce que là, à ce moment-là, pour vous autres, changer, c'est changer des pièces, changer l'huile, changer une suspension, changer quelque chose, la durée de vie de votre vie, la durée de vie du véhicule. Mais si vous alliez à vivre une réincarnation de votre vivant, qui est équivalent à changer d'auto au courant d'une vie, vous sauriez que ce qui est essentiel, c'est de vouloir conduire une auto pour être en mouvement. Donc, vous auriez contact avec l'esprit. L'esprit étant la raison d'être de l'auto. Mais quand on s'identifie à l'auto, on perd de vue la raison d'être, donc on perd de vue l'esprit. Tant et aussi longtemps qu'un individu va s'identifier à sa programmation astrologique ou à sa programmation d'ADN ou sa programmation culturelle, sociale, tant que vous allez vous identifier, exemple, à un parti politique, vous ne saurez pas c'est quoi l'esprit qui anime la politique ou l'esprit qui anime quelque chose. Moi, je travaille au niveau de l'esprit, donc je travaille pas à j'ai pas d'auto à vendre. J'ai à soutenir l'intérêt des gens à conduire une auto et non pas à donner une valeur particulière à un type de véhicule, un Jeep ou un char comme une Maserati, une Ferrari, des affaires de même. Donc, le modèle, la marque, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est de percevoir que la personne garde à vue la mobilité de son être face à un véhicule donné. Et c'est là que toute la problématique de la conscience se pose, c'est qu'en n'ayant pas de perception de l'esprit qui anime un événement, on perd de vue l'événement, puis on se rabat sur le je. Le je étant le qu'est-ce qui est l'acteur dans l'événement. Mais c'est parce qu'un acteur, c'est pas le film. L'acteur, il fait partie du film, mais c'est pas lui le film. Et tant et aussi longtemps que votre vie ne sera pas lue à partir d'un événement, il n'y aura pas de perception de changement où vous allez juste voir quelque chose qui est qui est utilisé pour faire partie de l'événement comme tel. Donc, si on regarde l'importance de voir le rapport du changement dans un type de vie, il faut comprendre c'est quoi le travail de l'esprit sur l'âme. L'esprit travaille l'âme à l'emmener à des mutations profondes, par saturation. Tu as peur de quelque chose, puis l'esprit va t'emmener dans cette peur-là. Jusqu'à temps que tu te sois affranchi de cette peur-là. Donc, tu ne peux pas éviter ou tu ne peux pas échapper dans ta programmation à l'obstacle qui t'est présenté par l'esprit pour pouvoir t'affranchir de la problématique. Je rencontre des gens, des fois, qui ont un problème de concentration ou de focus, puis la vie ou l'esprit, si vous aimez mieux, va les placer devant des conséquences de ne pas avoir de focus, des conséquences graves. Plus le manque de focus est important, plus c'est grave, plus tu t'en sors parce qu'il faut qu'elle te garde en morceaux pour répéter l'expérience, parce que l'esprit peut t'amener à répéter 35, 50 fois une expérience difficile. Donc, ils sont obligés de protéger le corps, ce qui fait que l'individu peut être assez stupide pour penser qu'il est protégé par Dieu ou l'esprit, ce qui est à peu près l'équivalent, et puis dire, ben, je m'en sors tout le temps. Mais c'est pas vrai que tu t'en sors tout le temps, parce qu'à chaque fois que tu passes pas le test, donc tu passes pas la peur que tu as de, ou le manque que tu as, la carence, ben, l'esprit augmente d'un cran l'intensité, puis donc la difficulté. Donc, si tu es rendu à la 30 quelques fois de perte de focus, mais les conséquences graves deviennent de plus en plus graves. Jusqu'à un jour que là, ils disent, bon, ben, il n'y a plus rien à faire avec cette âme-là. Et puis là, ils te mettent la totale, tu crèves ou tu tombes malade ou tu as une situation de crise extrême. Et là, tu n'es pas protégé. Là, tu es dans une situation de dépendance à ton environnement où les gens vont te placer en situation de crise constante devant ton manque de focus, exemple. Bon, chaque peur ou chaque domaine de tension varie d'une programmation à l'autre. Une personne va être bien spirituelle dans un secteur donné, l'autre, elle va être trop colérique, l'autre, elle va être ci, l'autre, elle va être ça. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse dans ma vie. Et puis, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'en faire. Là. Je suis obligé de me faire conduire par les autres. Ce qui fait que là, je regarde quand les gens conduisent vite, le défaut dans la conduite. Je dis, fais attention à ça, tu conduis mal, tu brakes trop vite, ta ta ta ta ta ta ta ta. Je suis un champion pilote, eux autres, ce n'est pas des champions pilotes, puis ils roulent trop vite leur capacité. Fait que je repasse toute la séquence de vitesse que j'ai vécue. Bon, c'est des programmations qui te le permettent, mais quand on te retire dans ta programmation le talent ou la capacité, Ben là, tu regardes les autres, tu dis, oups, eux autres, ils n'ont pas ça dans leur programmation. Moi, j'avais ça, eux autres ne l'ont pas. Puis eux autres, là, je suis dépendant d'eux autres. Fait que là, tu es dans une situation où ça devient extrêmement aigu de voir que tu avais quelque chose que tu as pu, que l'autre n'a pas, puis qu'il n'y aura jamais. Fait que, il faut beaucoup, beaucoup d'esprit pour pouvoir informer l'autre de ce qui manque. Puis il faut beaucoup d'esprit à l'autre pour pas rentrer en compétition avec toi puis essayer de faire des pirouettes qu'il pourrait jamais faire. Je sais pas si vous comprenez. Fait que la personne qui sait, elle peut être exposée un jour à un environnement qui ne sait pas et qui ne saura jamais. Puis il faut qu'elle soit capable de s'adapter à ces gens-là ou à ces personnes-là parce qu'ils font partie de l'événement de ta vie. Donc, est-ce que tu peux aider les autres à changer? Moi, j'appelle ça le monde des petites têtes, des petits cerveaux, des gros cerveaux. Moi, j'ai un gros cerveau. Moi, vous expliquer pourquoi. J'ai expliqué ça à Jeannette. Je dis, moi, j'ai un gros cerveau. Ce n'est pas en grosseur de volume de corps. C'est que moi, je m'acharne toute ma vie à apprendre. Et je sais que je ne peux pas apprendre tout seul. Fait que toutes les gens qui ont accès à un plus que moi, je veux savoir comment ils ont accès à ce plus-là. Et je fais tout ce qui est possible dans mon être pour ne pas rentrer en guerre avec celui qui va m'apprendre. Je cherche à être un bon élève, à bien apprendre. Et mon cerveau grandit avec la force de l'autre. Les petits cerveaux, eux autres, le problème, c'est qu'ils rentrent en conflit avec ceux qui peuvent lui apprendre parce qu'ils veulent les battre. Mais tu n'apprends pas à battre l'autre. Tu apprends à t'informer avec l'autre, à être sympathique à cause de l'autre. Si j'ai eu un apprentissage des armes, puis du reload, puis du recharger les balles, que j'ai tout appris ça dans 2 ans à vitesse de l'éclair, c'est parce que j'ai pas rentré en compétition avec les gens qui savaient le faire. Il y en avait que ça faisait 30 ans, 40 ans qu'ils faisaient la job, puis ils le faisaient bien, puis j'ai pris le temps d'apprendre. Fait que j'ai grossi mon cerveau. J'ai amélioré ma compréhension des armes, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler à la radio puis expliquer les armes à des gens qui sont des animateurs ou des peu importe. Mais c'est des gars qui me l'ont appris. Je ne l'ai pas appris tout seul. Ça m'aurait peut-être pris 20 ans, 30 ans comme eux autres de l'apprendre tout seul. Un petit cerveau n'est pas capable de faire ça vite parce qu'il se bat contre. Il veut tout le temps battre quelqu'un. Mais battre quelqu'un, ça fait une contraction chez l'autre qui dit, il ne saura pas comment ça marche. J'ai un edge dessus, puis le edge que j'ai dessus, j'y partagerai pas. Donc la personne reste dans la cave. Et puis elle est limitée. Et c'est ça, un petit cerveau. Un petit cerveau, c'est un individu qui s'ostine. Puis pourquoi tu t'ostines? C'est pas compliqué. C'est parce que toi, tu as un modèle de char que tu compares à un autre modèle de char. Si tu es là pour comprendre que tout le monde qui roule sa route partage la même route, on s'informe sur l'état de la route, on s'informe sur la capacité de notre moteur, la capacité de notre suspension, ces choses-là, on améliore l'autre et on s'améliore soi-même, plutôt que de se battre à savoir laquelle marque est la meilleure. La société, c'est une société qui compétitionne trop et qui ne partage pas assez sa science. Au même titre que si des partis politiques s'unissaient ensemble pour trouver des lois qui améliorent la vie d'un peuple, il n'y aurait pas il n'y aurait premièrement pas de gaspillage parce que les gens se placeraient tout le temps dans l'amélioration d'un rendement, puis ils partageraient avec le peuple des besoins qui amélioreraient le peuple. Plutôt que de placer le peuple tout le temps dans une situation de dépendance à une gouvernance quelconque. C'est facile à comprendre. Hein? Fait que même nos politiciens, nos médecins, c'est des petits cerveaux. Parce qu'ils ne vont pas travailler avec ceux qui traitent. Un malade, c'est probablement le mieux placé pour te dire que ça marche, puis ça ne marche pas, que lui qui subit le traitement. Là. Bon, ben, les gens qui sont intelligents, c'est des gens qui partagent leur science. Puis les gens qui ne sont pas intelligents, c'est ceux qui compétitionnent la science de l'autre. Quand est-ce qu'il y a un changement? Il y a un changement quand il y a une amélioration. Quelqu'un me demandait l'autre fois, c'est quoi une vie parfaite ou de la perfection. La perfection, c'est quand tu es satisfait. Mais ta satisfaction est en évolution continuelle. Fait que si tu évolues vers la satisfaction, tu évolues vers la perfection. Mais la perfection va tout le temps changer. Donc, il n'y a rien de parfait absolument, mais tout ce qui est satisfait temporairement permet de goûter à de la perfection temporaire. Le changement, il se fait là-dedans. Le changement, il est dans « Ah, grâce à ça, on pourrait améliorer ça. » Mais là, c'est suffisant, c'est satisfaisant. Puis éventuellement, ta satisfaction va dire « Ah, j'aimerais ça avoir d'autres choses. » Puis là, bien, dans ton insatisfaction, tu fais de la recherche pour pouvoir arriver à une autre zone de satisfaction. Et puis, dans la mesure où tu acceptes la notion de perfection en mutation, donc en changement, bien, tu vas améliorer la perfection. Dieu, c'est quoi? C'est un travail de perfectionnement. L'esprit, c'est quoi? C'est un travail de perfectionnement. L'esprit, Dieu, le changement, c'est toute la même chose. C'est tout dans un mouvement que tu changes. Mais si tu as peur, tu as une vague d'inertie, tu as une vague d'insatisfaction parce que la peur, c'est pas confortable. Et puis là, mais en étant en inertie, mais tu ne peux pas te donner le droit du changement. Donc, comment tu peux changer? C'est en faisant face à une peur qui te plonge dans l'inertie, parce que pour t'améliorer, tu as besoin de mouvement. Le mouvement est à l'esprit ce que l'inertie est à la peur. Tu as peur, tu es en inertie, tu es en esprit, tu es en mouvement. Moi, je privilégie le mouvement continuel. Donc, tu as peur de quelque chose, si tu es placé en inertie, tu vas rester dedans et tu vas être un petit cerveau. Petit cerveau étant l'incapacité de changer, parce que vouloir changer, ce n'est pas virtuel, c'est actif. Il faut faire un changement pour être en mouvement, donc être en esprit. Fait que les gens qui disent « Ah, moi, je veux évoluer », ouais, mais évoluer, si tu me dis que tu veux évoluer, ça veut dire que tu veux changer, puis si tu veux changer, il faut que tu sois en mouvement. Il n'y a pas de développement sans mouvement. Ben alors, il y avait une expression pour ça, il disait il n'y a pas de crise, pas de changement, ou pas de crise, pas d'évolution. On a fait la même. En tout autre terme, si t'as pas tu fais pas face à une crise dans ta vie, tu vas rester ce que tu es, puis tu vas rester ce que tu es jusqu'à ta mort, puis dans ta réincarnation, tu vas être confronté au même degré de complexité de ta peur. Tu vas venir au monde avec une peur, tu sais, puis tu vas avoir à traîner ta peur encore une autre vie. Puis le problème, c'est qu'avec l'esprit, tu as réincarné, ça peut apparaître 45 000 fois, là, tu sais. Parce que pour eux autres, c'est « tu vas changer », point final. Ils vivent en dehors du temps, eux autres, hein? L'esprit, je parle. Donc, le temps, là, pour eux autres, là, 40 000 ans, 100 000 ans, 10 000 ans, là, plus d'importance, là, combien de temps, c'est « tu vas changer », point à la ligne. T'sais, t'as peur de l'homme, ils vont te faire naître d'une famille de gorilles, point à la ligne. T'sais, tu vas être obligé de faire face à tes peurs puis à tout ce qui va avec. Changer. Est-ce qu'on veut changer? Tout le monde veut changer parce que tout le monde veut sortir d'une forme quelconque de peur. Donc, tout le monde veut changer. Est-ce que tout le monde peut changer? Eh boy, moi, j'y ai cru longtemps. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça peut être bien long. Donc, est-ce que oui, les gens peuvent changer? Oui, les gens peuvent changer. Mais combien de temps ça peut prendre? Quel choc qu'il faut? Je pense que c'est aussi rapide que tu es capable de prendre une crise. Mais est-ce que changer, c'est accessible à tout le monde? Non, tout le monde n'est pas capable de se taper certaines crises. Il y a des crises que c'est comme too much. C'est vraiment too much. On est dans une société où on nous fournit beaucoup d'éléments, on nous fournit beaucoup d'occasions d'affronter des peurs, d'affronter. Je regarde juste les jeunes avec le sport extrême. C'est sûr qu'ils s'affichent devant la mort. Mais j'ai vu ben mes chums dans le temps que je faisais de la compétition de motocross. Je me disais, je peux pas comprendre qu'un gars soit capable de rentrer à 60 000 à l'heure sur un tremplin, faire 15 pieds de haut dans les airs, puis 60 pieds plus loin, il faut qu'il atterrisse. Les chocs écrasent comme on peut pas s'imaginer, puis il tombe pas en bas du bicycle. Je peux pas comprendre qu'un gars a peur de se partir en affaires après avoir vécu ça pendant tout un été. J'ai dit, c'est bien moins dangereux de pousser un crayon, puis de pousser des chiffres, puis aller vendre, que de faire ce qu'il vient de faire avec une machine de 200 livres entre les pattes. Je ne comprenais pas. J'allais voir le gars, j'ai dit, y a-t-il un rêve dans ta vie que tu aimerais comme travail? Ah, il dit, j'aimerais ça me partir à mon compte. Ah oui, tu pars à ton compte. Tu es arrivé premier aujourd'hui. Tu as vu le tremplin qu'ils t'ont fait, là, ici, à Sorel, là? Il dit, ouais, il y a quelque chose, hein? Je dis, il y a quelque chose, mais j'ai dit, essaye de m'expliquer comment tu peux avoir peur de te partir dans une business après avoir fait ça au moins une trentaine de fois dans l'après-midi, sauter sur ce tremplin-là. Ah, il dit, pas pareil. Il dit, pas pareil. Qu'est-ce qui est pas pareil? Explique-moi ça, toi. Explique-moi, là, d'avoir pris ta machine, la roulait au tapis, puis d'avoir soigné tout ça, cette machinerie-là, là, 200 quelques livres plus ton corps dessus, puis d'avoir soigné ça 12 pieds dans les airs, 60 pieds de long. Explique-moi quel risque tu peux aller prendre de pire que ça à te partir en affaires avec quelques cents. Puis le gars, il n'avait pas de réponse. J'ai dit, tu vas-tu te partir en affaires après la prise de conscience que tu viens de faire? Ah, il dit, ça me fait peur. J'ai un de mes chums, là, Mario Dutille. C'est un gars, il est sniper professionnel. Il a monté l'Everest 4 fois. J'ai dit, hey, toi, tu serais bon à la bourse. Il dit, es-tu malade? J'ai bien trop peur de ça. J'ai dit, quoi? T'as monté l'Everest 4 fois, t'as battu un record canadien, puis t'as peur de rentrer dans le marché avec 10 000 piastres. Ah oui, j'ai peur de ça comme là. J'avais le témoin Céline qui est ici, là. On riait tous les deux, on était crampés en deux, ça n'a pas d'allure. Un gars qui est passé en dessous d'une avalanche, la patente, il a peur de faire de la bourse. Fait que, je vous dis, parle de ça, c'est pas pour rire du monde. C'est juste pour faire voir que c'est vos lectures qui font que vous n'êtes pas capable de changer. Vous prenez des risques dans des affaires. Hey, tu sais, juste de conduire une auto, puis de voir que l'année prochaine, le pot va être légal, puis qu'on est avec des gens, là, que c'est pas tous des quotients intellectuels terribles, là. Puis on passe facilement 10-15 ans sans avoir d'accident, là, avec du monde qui pourrait nous en faire des accidents, là. OK? Il y a quelque chose qui vous protège. Il y a quelque chose qui veut pas que vous mouriez. Il y a quelque chose qui protège votre vie pour que vous ayez à passer dans d'autres types d'expériences. Puis ça, non, vous ne le voyez pas, ça. Non, vous voyez que vous n'avez pas de doctorat dans telle bebelle ou que vous avez un job qui vous donne 15 piastres de l'heure puis qui ne peut pas vous donner 30 piastres de l'heure, qui ne peut pas vous donner 100 piastres de l'heure. J'enseigne la bourse aux gens, je lui donne un système qui marche. J'ai commencé avec 50 000 piastres le 15 avril 2015. On est rendu en 2017, au fin mai, ce qui donne 2 ans et 1 mois, et mon portefeuille est rendu à 400 000. J'ai fait 350 000 en 2 ans et 1 mois. Je sais que ça marche parce que je l'ai fait, puis je sais comment que les gens peuvent le faire, puis je leur explique toute la procédure, save comme 10. Je fais régulier 5 000 $ par semaine, régulier, puis les gens me diraient, hey, c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Je t'ai montré comment ça marche. Quelqu'un me montre comment faire des balles. Ça peut être dur au début, là, parce qu'il faut que tu aies quand même une bonne concentration, ses poids, nombre de grains, tout le kit. Mais fuck, au bout de 2 semaines, tu vas savoir comment ça marche. Puis si tu es un bon prof, tu vas faire des balles parfaites à chaque fois. Là, chez moi, c'est dur. Il y a quelque chose dans votre sestie de cervelle qui ne veut rien comprendre. Attaquez-vous à ça, c'est urgent. Prenez un mois sabbatique à vous attaquer à qu'est-ce qui vous empêche de comprendre, puis d'apprendre, puis de faire. Je comprends pas. Je n'ai une, ça fait 30 ans que je dis la même chose. Elle vient de Saint-Jérôme, Saint-Anicette, hier, pour se faire parler encore, 30 ans plus tard, de la même affaire. J'ai donné de la merde. Puis, je ne sais pas si je vais être capable. Aïe, je ne peux pas croire. Qu'est-ce qui se passe dans cette cervelle-là pour ne pas vouloir faire un changement alors que pour elle, c'est vital? OK, c'est ça. Faire un changement, ça va être l'affaire la plus dure au monde. La plus dure au monde. J'ai déménagé, moi, là. Il y a un gars, un pompier qui est rentré avec un autre gars chez nous. Il a dit pas plus que deux chats. J'ai dit non, monsieur. J'ai dit moi, là, mes deux chats, c'est plus que deux chats que j'ai ici. J'en ai une douzaine. Puis c'est ma famille. Vous ne touchez pas ma famille. Ah, c'est un règlement. On va vous sortir de force. Ah, ben, nous autres, on n'a pas le choix. On faut appliquer le règlement. J'ai déménagé. J'ai pas eu peur de faire un changement. Ça n'a pas duré plus que 2 semaines. J'ai été voir le maire, là, essayer d'arranger ça. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait vraiment rien à faire avec la ville, j'ai dit, plutôt que me ramasser en prison, moi, aller en prison à une autre ville. Fait que, tu sais, je me suis chippé à Dundee pour changer la situation. C'est pas dur de faire un changement. Il me semble que c'est pas dur. Et non, les gens disent c'est dur de faire un changement. Hey, you! Écoute, tu veux vivre ou si tu veux pas vivre? Tu veux transformer ta vie ou tu veux pas transformer ta vie? Réveillez-vous, c'est dur de faire un changement, mon œil. Bon, si tu considères qu'on est tous conditionnés psychologiquement, par la programmation, par hein? la programmation, puis comment que toi tu m'indiques que c'est la saturation qui te permet de te pousser à l'extérieur de ce conditionnement-là. Oui, dans mon cas, moi, c'est, je réponds à ça. Est-ce que tu peux, mettons, accentuer ça, autrement dit, est-ce que tu peux prendre les devants, égoïquement parlant? Sachant ça, là, que que la vie, c'est un perpétuel mouvement de changement, Ouais. est-ce que tu peux accentuer ça pour dire, OK, je suis en mouvement dans ma vie, puis, ou bien si c'est un leurre, le fait de vouloir absolument changer? Moi, je considère que la satisfaction va t'installer dans un pattern d'inertie. Mais des gens qui ont une satisfaction à 100%, je ne crois pas à ça. Qu'on soit habitué, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. On est-tu d'accord à ce point-là? Bon, un individu qui est intelligent, quand il lui est arrivé à une zone de satisfaction, ben, il se tourne vers les autres pour amener de la satisfaction à son environnement. Il partage. Est-ce que tu me dirais, on peut encore être intelligent en mouvement tout le temps dans notre vie? Ben, moi, c'est ce que je fais. La capacité d'aller au-devant, comme tu dis, c'est la capacité d'aller vers des gens que si eux autres sont satisfaits, ben, ils vont s'attarder à ta satisfaction. Regarde, aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me chercher chez nous. Hey, c'est quand même 1 heure et demie de route. Puis ces gens-là viennent chez nous. Parce que j'ai réussi à créer un avantage. On passe quoi? 3 heures en auto? Ben, 3 heures en auto, je te donne du temps où tu peux me poser des questions tant que tu en veux, puis j'ai des réponses, moi, tant que j'en veux. Ben, je te partage ma science ou un accès à une information que tu n'as pas facile. Puis moi, je te la transmets parce que pour moi, c'est facile. Puis toi, ben, t'as encore des yeux pour conduire. Fait que je bénéficie de tes yeux. Je bénéficie d'un relax sur la route, dans la mesure que tu conduis bien. Et puis, je te partage 3 heures de temps que tu paierais 60 pièces de l'heure. Fait que t'as 60 fois 3, 180 pièces de temps pour une ride. Puis en plus, je te paye ton gaz, 40 pièces aller-retour. Fait que je trouve que le deal est bon. Puis je trouve que l'individu qui en bénéficie peut faire avancer sa vie, puis peut être accompagné dans un changement. Mais quand tu es intelligent, quand tu as une grosse tête, ben, tu fais partager aux gens des changements si toi, tu as atteint une zone de satisfaction. Moi, dans mon mental, la saturation, il me l'a emmené sur différents niveaux. Et puis, dans les différents niveaux, j'ai tout le temps agi. J'ai jamais été inerte. J'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps agi. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me rendre jusqu'à la saturation. Parce que je comprends avant la saturation. La seule chose que j'ai compris plus vite que les autres, c'est que quand tu es vibrant, quand tu es mis en vibration, en d'autres termes, quand les forces te mettent sur une traque, plutôt que d'attendre qu'ils me mettent dans une expérience d'âme, j'agis tout de suite sur l'information qu'ils me donnent. S'ils me disent, tourne à gauche, je n'attends pas d'avoir un pourquoi, je tournerai à gauche. Je tourne à gauche, point à la ligne. J'ai même pas besoin de répondre à ma question intellectuellement. J'agis tout de suite sur ce que je vibre. Aujourd'hui, pour moi, vibrer, c'est une certitude. Tandis que pour vous autres, dans l'ego, avec des petites têtes, une vibration, c'est un feeling. Fait que vous vous questionnez, puis vous cherchez à choisir entre telle affaire, puis telle affaire. Moi, quand j'ai rentré chez PB, puis j'ai vu mon char que j'ai aujourd'hui. J'ai dit, oh tabarnouche, là, j'ai de l'argent. Mon père m'avait dit, il dit, s'il y a un char qui est à ton goût, tu l'achèteras avec le cash que je vais te laisser. J'ai dit, bon, mais je pense que mon père qui est mort, il vient de me dire, c'est ce char-là. J'avais même pas besoin de savoir si c'était une entité ou quoi que ce soit. Il était de la bonne couleur, il était confortable. J'ai dit au gars, sors-moi du showroom, ce char-là, je vais l'essayer. Puis là, quand j'ai fait 2000 pieds avec, j'ai dit, je l'achète. Tout ça pour dire quoi? C'est que la dynamique de ma vie aujourd'hui, j'ai eu effectivement beaucoup de saturation. Mais aujourd'hui, je fais une différence entre une attirance puis une obligation d'agir. Tu es attiré pour faire quelque chose, puis tu es obligé d'agir. Moi, je fais la nuance aujourd'hui. Il y a des choses que je sais que je suis obligé d'agir. Puis il y a d'autres choses, ça m'attire de le faire. Mais tout ce qui m'attire de le faire, je le fais pas. Puis tout ce que je suis obligé, je le fais. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que la différence entre le fait que tu as la gestion, une gestion nuancée avec ton mental, ou bien un mouvement, mettons, comment je dirais ça, de perception qui t'amènerait vers une crise, tu es capable de faire la distinction dans le processus. Qu'est-ce qui te permet d'avoir. C'est comme. Comment tu expliques le senti, comme tu expliques, là? L'esprit. C'est l'esprit, mais comment tu peux savoir en esprit, autrement dit, dans ton état intérieur, tu sens ou pas de faire un mouvement ou de, mettons, de trottonner. Quand J'ai tu expliques les nuances deux mentales. expériences. J'ai l'expérience de l'âme, puis j'ai l'expérience d'esprit. Aujourd'hui, pour moi, l'expérience de l'âme, j'en ai plus besoin. Tu sais, je suis capable de faire la différence, comme là, je suis célibataire. Je suis capable de faire la différence entre une femme désirable et une femme admirable. Fait que, il y a des femmes désirables, que c'est pour moi un paquet de troubles, puis il y a des femmes admirables que j'aime mieux côtoyer parce que dans leur individualité, ils m'apportent quelque chose. Je suis capable de lire ça. Je trouve que c'est un gros, gros, gros avantage d'avoir eu dans ma vie l'obligation de respecter tous les genres de personnes. Et non pas vouloir un seul genre de personne. OK? Fait que quand je rencontre des gens admirables, je me mets à l'école. Je me mets à regarder leur vie, à voir comment dans leur vie, ils réussissent à s'en sortir. Parce que pour moi, être intelligent dans la vie, c'est s'en sortir. Quelqu'un qui réussit à s'en sortir, pour moi, il est intelligent. Pour moi, quelqu'un n'est pas intelligent parce qu'il est à l'université. Mais est-ce que tu pourrais aller chercher ça, mettons, cette sensibilité-là ou ce perfectionnement de sensibilité-là en allant voir un film? Oh Contrairement à non, ou de communiquer avec une non, personne. non, non, non, Et faut c'est tu. encore plus profond, Ouais, le c'est. contact direct avec Ouais, une non. personne. Moi, je coupe plus à l'information. J'ai informé beaucoup de gens dans ma vie, là, puis ça m'a pas impressionné. Il y a trop de gens que j'ai informés puis qui n'ont rien fait avec, là, puis. Un film, c'est comme une bonne conversation. Il y a rien là-dedans. Tu sais, la bourse, je te regarde aller là-dedans. Je pourrais t'informer beaucoup sur ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Et puis, il faudrait que tu fasses quelque chose pour pouvoir dire que tu es professionnel. C'est professionnel dans le sens que tu es un élément qui peut aller chercher une sécurité là-dedans. Là, toi, tu n'es pas en mesure de lâcher ta job là, parce que tu n'as pas de sécurité avec le stock market. Mais tu as fait une belle étude, mais une étude, pour moi, c'est de l'information. L'information, c'est pas du véhicule, ça. À ce niveau-là, des gens informés qui comprennent, oui, j'en connais pas mal, j'en connais beaucoup même. Mais des gens qui sont capables de vivre de leur information, ça, j'en connais pas mal moins. Ça se compte ses 10 doigts. C'est pas viral, le développement de la conscience. C'est pas quelque chose que parce que tu as l'information et tu as le langage, ça ne dit pas que tu es capable de le vivre. Non. OK. Quand tu parlais de capacité de vie, ça veut dire que les gens qui restent au niveau d'information, C'est des pissous. non, mais ils n'ont pas la capacité de vivre. Non, c'est des pissous. Mais c'est ça que C'est ça juste des ajoute. pissous. C'est juste des Ouais, pissous. mais un pissou, c'est quoi un pissou? Un pissou, c'est une personne qui a peur de perdre. Fait que, tu sais, tout le monde est capable de faire quelque chose. Mais moi, accepter des limites, oui, correct. Mais accepter la limite ultime, c'est mourir. Quand tu es prêt à mourir, c'est comme Gilles, moi, Il m'a déçu énormément parce que faire faillite, ça aurait été une occasion pour lui de se remettre au monde. Si tu es intelligent, mon Gilles, tu fais faillite, tu vas te remettre sur le piton en dedans d'un an. Et non, l'image, l'image, l'image. C'est quoi cette affaire-là, là? Tu ne tires pas pour une image. Tu es en pleine santé. Relax, Max. Moi, j'ai perdu 50% de mes vues. J'ai encore le goût de vivre parce que j'ai du monde que j'ai encore l'espoir d'aider à changer, là. Puis qui viennent me chercher. T'sais. Moi, le monde me garde en vie, là. Parce que moi, le monde me crisse là. Je me laisse mourir, moi, là. Il n'y a rien là. J'ai tout atteint mes objectifs dans la vie, moi, là. Tout de A à Z, là. Donc, n'ayez pas peur. Le monde qui a peur, là, ils ont peur de quoi? Tu peux même m'expliquer de quoi ils peuvent avoir peur? À part de perdre. Peur de perdre quoi? Il y a eu un divorce, moi, là. J'ai eu deux, trois, puis il n'y a rien là. Il y en a du monde sur la planète, là. Tu rentres dans la vie de quelqu'un juste en disant, moi, t'aider à évoluer, moi, t'aider à te développer, moi, m'occuper de toi. Je peux rentrer dans la vie de n'importe qui en disant, moi, m'occuper de toi. Puis, toi, c'est moi que si moi, je m'occupe de toi, tu n'auras jamais eu quelqu'un, même pas toi, qui s'occupe plus de toi que moi. Impossible. C'est hallucinant comment je m'occupe de quelqu'un. Il n'y a plus d'air, il ne peut plus penser. Ça pense juste comme Ménard me dit, là, tu sais, point final. Okay. Quand il retrouve ses pensées à lui, là, je, ah, ben là, c'est comme Noël, Noël en été. Okay. Non, écoute, c'est hallucinant, là. Peur de quoi? De quoi? T'as peur de quoi? Le monde a peur. Ça fige la peur. Les gens changent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quelque chose. Moi, j'ai changé. J'ai changé. J'ai dit que ça, du changement dans ma vie. Mais c'est ça, comment tu peux évaluer ton équilibre matériel ou Oh, moi, t'sais, l'équilibre toi, je ne te matériel, veux pas de ça, je sais, je parce mange trois que fois par jour. est-ce que c'est un conditionnement, ça, de ne pas être en équilibre dans la vie ou dans le sens d'être dans un peu OK, plus à dans tes le flou? yeux, je ne suis pas en équilibre. Non, c'est pas ça que je dis. Non, Ben, c'est mais. pas ça que tu dis, mais c'est ça que tu laisses Non, regarde, il entendre. y a des artistes qui vivent, puis ils font juste vivre tout ça. C'est pas une problématique comme telle, mais c'est un choix. C'est pas soit un choix de vie, mais c'est Pas un comme un choix de vie. karma. C'est un karma, c'est C'est un tout. karma. Ben oui, ouais, c'est sûr. J'ai vécu une vie d'artiste en kayak, moi, là. C'est si ce que j'ai parlé, ça n'a pas été actualisé, c'est un show que j'ai fait. T'sais, je te fais un show, là, présentement, j'enregistre, il y a des CD qui vont continuer le show un peu plus tard. Quand je vais être mort, moi, là, il y a des gens qui vont dire, ah, il y avait une drôle de façon de parler, ce gars-là, puis papa, papa, papa. Mais c'est bien clair que je suis conscient de faire un show. T'sais, quand tu parles la nuit FB, tu parles à 3 millions de personnes. Quand même du monde, hein? Donc, si je parle d'astrologie comme hier, puis qu'elle me faisait parler sur Donald Trump, puis la carte du ciel de Donald Trump, puis j'étais affaibli, j'ai dit, il est Gémeaux ascendant Lion, puis je dis, lui, c'est pas compliqué, quand Dieu se couche, il voit, c'est lui qui se lève. Donc, il est réel, quoi, tu sais, je les ai fait rire, on a du fun, c'est ça. Mais, tu sais, si tu fais du spectacle, ben, t'en fais un bon, c'est tout. Et si tu fais d'autres choses, ben, t'arranges pour être le meilleur qu'il est possible de faire dans ce que tu fais, c'est tout. Okay. Toi, tu es dans ton domaine, tu fais le meilleur de ce que tu peux, puis si une année, c'est pas assez, ben, tu cherches un autre domaine avec lequel tu vas être le meilleur dans ce que tu peux. Mais de toute façon, tu vas être obligé de te mettre à l'école des grands qui sont passés avant toi, puis un jour, c'est toi qui vas être le grand, puis tu vas passer après ça. T'sais, moi, j'ai eu des ostinations de la mort avec Bernard sur l'histoire de la femme, puis c'est moi qui avais raison, c'était pas lui qui avait raison. La preuve, c'est que sa femme a colissé son camp. Parce qu'il n'avait pas raison. C'est la femme au service de l'homme, c'est pas vrai ça. Il a essayé de faire ça avec Pierrette, là, mettre Pierrette à son service. Là. Donc, il était pas dans la bonne. C'était pas comme ça qu'il fallait qu'il approche ça. Donc, moi, Bernard, Dieu, non. Bernard, c'est un bon messager. Il avait un message à passer. Puis il a passé ça à sa façon, avec Lion, s'en allant Lion, Pluton sur le soleil. T'es un dictateur, lui, là. Quand tu regardes sa carte du ciel, là, c'est Hitler en personne. T'es un dictateur. Lion s'en allant Lion, Pluton sur le soleil, là. Qu'est-ce qui t'a permis de reconnaître son message sans pour Ben, autant le adhérer à sa forme de mouvement, si tu veux? Moi, j'ai pas adhéré à son intimité. J'ai adhéré à sa vie sociale, sa vie publique. J'ai adhéré au message. J'ai pas adhéré au messager à 100%. J'étais capable d'apprécier le personnage pour son auto-promulgation. Il s'est auto-inventé, le gars. Bon, ça, là-dessus, je dis, ouais, il est fait fort. Il a du gaz. Puis comme c'était un dictateur, ben, il était capable de partir de lui intégralement. Et puis ça, j'achète ça. C'est valable, ça. Mais il y a des bouts dans sa vie privée que je n'ai pas acheté. Mais le message, oui, je l'ai acheté. Il avait raison. C'est l'affaire de son. Tu as de l'esprit qui te communique, puis etc. Je sais, parce que je le vis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a permis de faire une distinction entre son mouvement de vie et ton mouvement personnel à toi? Ben, c'est parce que tout le monde a une vie humaine. Tu ne deviens pas Dieu parce que tu as un corps humain. C'est pas une divinité. Tu es habité par du divin. Mais habité par du divin, c'est tout le monde sur la planète, même les pays bandits. Toi, tu es habité par du divin, puis ça va apparaître plus quand tu vas te manifester vers les autres. Mais si tu ne te manifestes pas vers les autres, on ne le voit pas, ta partie esprit. C'est dans ta manifestation vers les autres. Lui, il s'est manifesté vers les autres. Fait qu'il a pu goûter à son esprit. Puis oublie pas, là, tu n'as jamais su ce que c'est faire des conférences encore. Mais si tu restes une conférence, puis tu seras dehors de la mémoire, c'est les questions des gens qui te dynamisent. Moi, je peux apprendre par la question. Il faut qu'on me pose des questions pour que ça se déclenche dans mon mental. Bernard, c'était pareil. Il était chanceux en tabarnak de m'avoir dans le pit, parce que les gens, c'était des questions je. Moi, je l'ai fait parler, Bernard. J'ai été le meilleur intervieweur qu'il y a jamais eu dans tout le lot. C'est l'homme. Vous avez oublié l'homme, vous autres. À un moment donné, vous êtes resté pogné avec le message en pensant que le messager était au même niveau que le message. Oh, attention, attention, de l'esprit, tout le monde en a. Là. Tout le monde a de l'esprit. Vous autres, vous avez mis un statut, un stage qu'il n'était pas. J'ai rien contre le message, mais j'ai tout contre l'idée que le messager prenne toute la place. Pas normal, ça, là. Qu'est-ce qui marche pas? Claude! Qu'est-ce qui est important quand tu vas crever? Claude ou le message? As-tu un message? Tu crèves demain matin, c'est quoi le message? Gilles Gauthier est mort, c'est quoi le message? Quand vous crevez, c'est-tu votre personne qu'on va se souvenir? Ou bien c'est du message? Moi, j'ai des tonnes de CD, j'ai un message. Bernard, c'est pareil, il y a des CD, c'est ça qui va rester, il y a du monde qui ne le connaisse pas. J'ai deux personnes, moi, trois personnes qui viennent à mes activités. Ils ne connaissent pas Bernard, mais ils peuvent écouter au message. Pas nous autres qui pensent, papa. On peut leur transmettre de quoi, ce bonhomme, là? Ça vient de Bernard, point final. Moi, j'en ai tout contre le monde qui l'ont mis au statut de Dieu. Vous autres aussi, vous êtes des dieux, calice. Mais là, si Dieu, il faut qu'il y en ait juste un sur la planète, qu'est-ce que vous allez être, vous autres, de la merde? Pas d'accord avec ça, moi, Chris. Comment tu fais la distinction, mettons, de le fait que tu t'es mis en différentiel avec le mouvement, mettons, le véhicule des Anons, contrairement au véhicule de Bernard? Moi, je défends, Bernard le disait à Donald, Bernard, il défend l'individualité, puis il dit tout à défendre la collectivité. Fait que le département du collectif, c'était Donald, puis le département de l'individuel, c'était moi. Ça, j'ai trouvé que c'était bien dit, ça. C'est vrai. Moi, je suis un gars qui défend l'individu. Je suis pas un gars qui défend le collectif. Je ne crois pas au collectif. Ça fait des religions, le collectif. Il dit, moi, Bernard, si tu veux que je fasse ma job comme du monde, il faut pas que je m'occupe du collectif. Comprends tes deux temps. Je suis un gars d'individuel. Je suis un gars qui brosse trop, premièrement. Moi, je suis pas fin. Je me considère pas fin. J'ai pas. Comment je te dirais ça? Je suis brut. Tu sais? Je suis taillé brut. Moi, tu vas avoir tes quatre vérités. Si tu veux te connaître à fond, là, viens me voir. Tu vas avoir tout ça. Puis je vis pas de jugement par rapport à l'individu. Je le place dans une. C'est ça. Au même titre, quand j'étais avec Bernard, c'était ça. Et puis j'étais capable d'apprécier à 200% son message. Mais pour le messager, j'avais des positions bien arrêtées sur ça, c'est ton destin, puis ça, c'est pas le mien.